acte criminel. Faut pas mêler Mahomet à vos actes criminels. Faut pas mêler Allah à vos actes criminels. Faut pas mêler Mahomet à vos actes criminels. N'est pas un dieu terroriste. Mahomet n'est pas un prophète terroriste. Je dis Allah n'est pas un dieu terroriste. Mahomet n'est pas un prophète terroriste. Si la montagne ne vient pas à Mahomet, Mahomet ira à la montagne. Si prier c'est aimer, nous irons tous dans cette vallée. Si la montagne ne vient pas à Mahomet, Mahomet ira à la montagne. Si prier c'est aimer, nous irons tous dans cette vallée. Mahomet, salala wa hale wa salam. L'amour de Dieu nous fortifie, dans les livres c'est écrit. L'amour d'Allah nous bénit, c'est ce que disent les écrits. L'amour de Dieu nous fortifie.